Lequel? Celui-là. T'as le choix. On peut parler des Melchisedecs, des réincarnations, de... C'est tout un sujet que tu as amené au départ. Oui, des réincarnations. Des réincarnations. Ok. Bon, je veux venir sur... Tu parlais tout à l'heure de Marie-Madeleine. Moi? Bon, très peu, ok, vas-y. Très peu. Mais je voulais vérifier, là... Est-ce que c'est nécessaire, tu parlais justement de Melchisedec qui se réincarnait ou qui manipulait la réincarnation, est-ce que c'est, quand une même réincarnation vient dans plusieurs personnes différentes, est-ce que c'est des parties différentes de l'ego de cette réincarnation qui vient toucher chaque personne ou c'est souvent la même partie d'ego? C'est souvent la même partie d'ego, mais ça peut effectivement être des parties différentes. Donc ça dépend des fois, il n'y a pas de loi spécifique. Ça peut être la même partie, ça peut être des parties différentes. Dans ce qui se projette ou dans ce qui s'est réincarné ces derniers temps, on peut en parler un peu, ça peut être intéressant. Le danger d'en parler, c'est qu'il y a des personnes qui réincarnent la mémoire de ceux qui ont connu certains individus. Oui. Et ces personnes-là peuvent penser réincarner directement les individus en question. Il y a autre chose aussi, il y a des personnes qui réincarnent la mémoire de ceux qui ont entendu parler, de ceux qui ont connu ceux qui avaient écrit sur ceux qui avaient vécu. Bon. Ouais. Et puis là, c'est la même chose encore une fois, ils s'imaginent que... Donc, il y a toujours un petit peu un problème à en parler. T'imagines être la personne qui a entendu parler? Non, être la personne de qui on parle. C'est ça, ouais, c'est ça. Okay. C'est ça que tu veux dire, là? Oui. Correct. J'essayais de dire. Aujourd'hui, la majorité de ce qui a vécu sur l'Atlantide est réincarné. Et certains vont dire, ça fait pas beaucoup d'Atlantes. C'est que la majorité des Atlantes sont réincarnés, fusionnés, donc c'est pas nécessaire qu'il y ait énormément de corps physiques pour les recevoir. Il y a énormément de choses du passé qui sont réincarnées, et dans les choses du passé qui sont réincarnées, la première réincarnation puissante qui s'est opérée du passé, reliée à nos génétiques ici, qui s'est faite au Québec, a été Jean le Baptiste. Et puis, Jean le Baptiste est incarné dans un corps d'une personne qui avait la capacité de recevoir, évidemment, des contacts supramentaux, donc de l'Esprit-Saint, de l'énergie christique. Bien que plusieurs personnes dans son entourage sont convaincues qu'il est le Christ, lui-même avait déjà dit de toute façon publiquement qu'il réincarnait Jean le Baptiste, mais les oreilles écoutent toujours ce que les oreilles veulent entendre. Quelques années après, a commencé à s'incarner au Québec des mécanismes qui provenaient du même temps. Donc, on a eu la réincarnation de différents apôtres, de différentes personnes aussi qui ont vécu avec les apôtres. On a eu la réincarnation de Jésus, de différentes personnes, autres les apôtres qui ont vécu avec Jésus. Et pour les femmes, ça devient compliqué de se retrouver dans ce temps-là parce que les rares femmes qui sont connues publiquement sont Marie, la mère de Jésus, qui semble-t-il, personne ne réincarne. Il y a Marie-Madeleine et certaines personnes plus sensibles ont parlé aussi de Marie qui était la sœur de Lazare. La majorité, donc, des femmes qui, à un moment donné, réincarnent des mémoires qui proviennent de ce temps-là, vont penser être la réincarnation de Marie-Madeleine. Alors qu'elles devraient faire attention. Le nom, on n'en a pas besoin de toute façon, ce n'est pas grave. Mais il y a plusieurs femmes qui auront l'impression de réincarner des mémoires de cette époque-là. Et elles diront, ben, c'est probablement Marie-Madeleine. Le Nazaréen a connu, pas bibliquement, il a rencontré un paquet de femmes, un paquet d'hommes. Il a travaillé avec plusieurs femmes, avec plusieurs hommes. Il a eu quelques rares amis, dont Lazare, entre autres, était un de ses amis. Chez les femmes, il a eu Marie-Madeleine comme amie, Marie, la sœur de Lazare, comme amie. Il a eu aussi quelques autres amis. Il a eu des amis parmi les Romains. Et il y a Nicodème, entre autres, qui était un de ses amis, qui est aussi réincarné au Québec. Et quand les femmes sentent réincarner, elles sentent qu'elles réincarnent quelqu'un qui aurait été près du Nazaréen. Alors, il pense immédiatement à Marie-Madeleine. Rares sont les femmes qui vont avoir l'impression de réincarner Marie-Madeleine. La majorité des femmes vont avoir l'impression de réincarner quelqu'un de l'époque, une femme, près du Nazaréen. Donc, ça doit être Marie-Madeleine. Mais ça, c'est une déduction. Mm-hmm. Par la suite, a commencé l'incarnation de plusieurs Templiers au Québec. Il y en avait quelques-uns d'avance, mais ça se réincarne aussi. Et ce qui se fait qu'à la fin des cycles, les individus qui ont engendré par réincarnation successive des personnages différents à travers l'histoire, commencent à se tamponner en réincarnation aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on prend un personnage qui a vécu en Égypte et qui, à un moment donné, se réincarne chez les Romains et qui vient faire quelque chose et par la suite, il se réincarne chez les Anglais, se réincarne chez les Français avant. Et ce même personnage se réincarnera un peu au long de l'histoire. Et aujourd'hui, subitement, toutes les traces laissées dans le passé par le passage de l'intelligence de ce personnage, donc les traces astrales, les personnalités réincarnatives, vont commencer à s'incarner une par-dessus l'autre, donc en tampon, chez l'individu. Historiquement parlant, chaque être humain doit parvenir à sauver son humanité. Quand l'énergie christique, l'énergie michaélienne, ce qui va engendrer Jésus-Christ, donc le Nazaréen, quand l'énergie a traversé le monde de la mort, elle a ramassé toutes les énergies astrales, donc toutes les particularités d'expérience qu'il avait vécues à son contact et qui étaient dans le monde de la mort. Elle les a ramassées. Elle a vécu sur le plan planétaire. Rendue vers l'âge de 30 ans, elle a été capable de réincarner immédiatement ceux qui mouraient de son faisceau. Et elle a fait une descente aux enfers, donc elle a regagné le monde de la mort pour aller ramasser ceux qui, entre la naissance de Jésus et l'âge de 30 ans, lorsqu'il a été christifié, pour ramasser ceux qui étaient morts entre-temps, elle est allée les ramasser, essayer à se résorber. Présentement, pour que la limpidité et la lucidité apparaissent chez certains personnages, c'est un peu le même phénomène qui va arriver. C'est comme si, en réalité c'est ce qui arrive, dans le monde de la mort présentement, un personnage réincarne quelqu'un du passé, qui a créé par la suite dans sa réincarnation un autre personnage et il le réincarne. Et il y a eu un autre personnage créé dans le passé et il le réincarne. Alors on prend par exemple Longinus qui à un moment donné va créer le personnage de Perceval. Il va aussi être Jean, l'ami de Robin des Bois. Il va être, bon, il y a un paquet de personnages successifs dans l'histoire. Et là, subitement, on a une personne qui va avoir l'impression de réincarner un tel, et en même temps un autre dans l'histoire, et un autre dans l'histoire. Et là, c'est pas un ego qui ne comprend pas, dirait, ben, tu suis l'autre, il pense qu'il réincarne ceux qui ont... Non. Bon, si par exemple, on regarde quelqu'un qui, à un moment donné, réincarnerait Jésus, ben, nécessairement, il faut s'attendre à ce qu'un jour, il réincarne le roi Arthur. Est-ce qu'un jour il réincarne Richard Cœur de Lion dans sa jeunesse? Est-ce qu'il réincarne Robin des Bois pendant une partie? Est-ce qu'il réincarne d'autres mécaniques comme ça jusqu'à aujourd'hui? Parce que c'est le même personnage. Si on regarde Ivanhoe, si on regarde Lancelot, si on regarde Lazare, et non pas le Lazare qui maintenant travaille à l'échelle planétaire, mais Lazare en tant qu'ami de Jésus et non pas Lazare en tant que complice du Nazaréen. Mais il y a quelqu'un qui le réincarne aussi, Lazare. Et ce Lazare-là va devenir, à un moment donné, il va devenir Lancelot. Il va devenir un paquet de personnages à travers le temps, dont Ivanhoe. Il va devenir, qui va travailler avec Richard Cœur de Lion, donc ils se connaissent toujours et sans arrêt. Lancelot, le meilleur ami d'Arthur, mais on parle d'amis humains. Et aujourd'hui, ils se connaissent aussi. Bon, et nécessairement, Lazare a connu le Baptiste, donc là, aujourd'hui, il connaît nécessairement la personne qui l'a réincarné. Et les personnages se rencontrent. Maintenant, ce qui est intéressant, ou ce qui est important aussi de retenir, c'est que la personne qui se dit « Moi, il me semble que je réincarne tel ou tel individu », la majorité de ces individus-là vont réincarner des mémoires de personnes qui ont côtoyé, mais qui, dans l'histoire, on n'a pas gardé leur nom. Alors, ça fait qu'à un moment donné, c'est comme si je regarde, moi, la France, puis je me dis « Il me semble que j'étais français. » Puis j'étais peut-être un roi. Peut-être que j'étais le fou du roi. Alors, j'étais près des rois. Donc, je voyais souvent le peuple. Mais j'étais à côté du roi. J'étais peut-être son tireur de souliers. Mais j'étais souvent prêt. Et j'ai souvent eu la même vision que celle du roi. Et je vais me dire, je suis un roi. Bon, il faut faire attention à certaines choses. Il y a des personnes qui réincarnent des individus qui ont côtoyé, c'est logique. C'est d'ailleurs ce qui va faire que les gens vont être capables, malgré qu'ils sont sauvages, de se réunir dans quelque chose. Il y a beaucoup d'enfants présentement qui réincarnent les mêmes structures que leur père. Et c'est un peu dans le genre, si mon père manque son coup, c'est moi qui vais le faire. Et puis si le père manque pas son coup, l'autre va finir par fusionner ça. Il va finir par rejeter, mais pas rejeter psychologiquement. Il y a des structures réincarnationnelles qui vont finir par lentement s'en aller. Le père va les ramasser et le jeune ou la jeune va réincarner d'autres structures en affinité avec son corps physique, donc avec sa génétique, avec ce qu'il est. Et ça va continuer à monter. Mais présentement, moi je connais des adultes, j'en connais plusieurs qui ont des enfants. Et premièrement, les femmes qui sont avec eux sont des femmes qu'ils ont déjà connues dans le passé, même que souvent, la femme a déjà été la mère de leur mari, et souvent, le mari a déjà été le père de leur femme aujourd'hui, et présentement, ils sont ensemble, ils se sont déjà connus. Alors, ce qui va arriver souvent au niveau des structures supramentales, et comme tout à l'heure, je disais, il y a plusieurs parmi vous, vous vous êtes déjà connus dans d'autres vies, mais plusieurs ont déjà été des ennemis. Et il y en a qui, à un moment donné, doivent être mariés ensemble, aujourd'hui, et ces deux anciens ennemis. Et il y en a d'autres aujourd'hui qui ne se marieront pas et qui devront, ça peut être aussi garçon, fille, et ils devront vivre et travailler ensemble maintenant, énergie mélangée, parce qu'on a autre chose à faire que de se battre pour des illusions. Et à travers l'évolution du temps, à travers la conscientisation des humains, on en est rendu à comprendre que, écoute, là, il faut qu'on cesse de niaiser. Depuis le temps qu'on se casse la gueule, on peut se considérer comme amis. Fait que maintenant, ils ont du plaisir ensemble et continuons à jouer. Alors, il faut comprendre qu'il y a des personnages, donc, qui maintenant sont totalement associés du point de vue, par exemple, des lignées du mariage. Et ils auront des enfants, et ces enfants-là sont aussi des amis du passé, qu'ils ont été cherchés et qu'ils ont amenés là. Dans ces amis du passé, il peut y avoir des personnages, par exemple, disons que le père a toujours vu un de ses ennemis et il l'a toujours honoré. Mais cet ennemi-là, lui, a toujours détesté l'autre. Et l'ennemi vient au monde fils du premier. Alors, le père peut adorer le fils peut détester le père, et il le déteste par jalousie, il le déteste, il n'y a aucune raison. Et dans d'autres cas, ils vont totalement s'aimer. Parce que c'était réellement des amis. J'ai été te chercher. Bon. Alors, ce qu'on doit comprendre, donc, au niveau de la réincarnation, c'est évident qu'on est rendu dans un temps où il y a énormément de choses mystiques, donc mystifiées, des choses qui ont été occultées, qui ont été cachées, qui sont de plus en plus révélées dans le cœur des humains, enfants, adultes, quels que soient les sexes. Et en plus, en même temps, ce qui arrive, c'est qu'on a tellement passé de temps à vouloir tout cacher, malgré qu'en même temps, on cherchait. Alors aujourd'hui, ce qui va arriver avec la technologie, la science, puis la façon mentale de voir les choses, devient compliqué pour plusieurs personnes que d'accepter de voir comme eux ont vu dans le passé. Nous avions une vision intuitive, et à un moment donné, cette vision intuitive-là, elle nous nuisait. Alors, on a développé une vision cartésienne, une vision intellectuelle, et maintenant, elle nous nuit. Parce qu'on doit avoir une double vision qui va être intuitivo-intellectuelle et progressivement supramentale, donc instantanée, qui sera la vision donc, du troisième cerveau, le double éthérique. L'humain qui réincarne des choses aujourd'hui a inconsciemment, il sait des choses. J'ai rencontré des personnes qui ne comprenaient foutrement rien de ce que je disais, puis ça, c'est pas une personne, il y en a plusieurs. On peut même parler de toi puis moi, par exemple. La première fois que tu es venu assister à une conférence, tu n'es pas assisté à une conférence de Daniel Kemp. Et est-ce que tu as tout compris ce que j'ai dit? Ça reste encore à voir. Non. Peut-être. Bon, non. Et pourquoi es-tu revenu? Ah, ben c'est à cause de ma femme. Mais toi, tel que tu étais à l'époque et te connaissant comme tu es, ta femme ne t'aurait pas traîné d'une place que tu n'aurais pas voulu aller. Donc, il y avait des choses dans l'inconscient qui faisaient que si, que ça. Et après ça, tu vas dire, oui, mais moi, j'ai toujours voulu me rapprocher au plus vite de la tête sans ça. C'est faux, ça. Ça, c'est pour excuser le fait que tu avais ta place en haut. Parce que ta place était là, on se connaît depuis assez longtemps. Bon, mais il y avait des... Bon, l'ego avait besoin de raisons pour excuser le fait que on rend difficile les choses. Alors qu'il y a d'autres personnages que j'ai rencontrés dans la même situation et qui, eux, sont arrivés près de moi tout de suite. Pourquoi? Parce qu'eux ne s'étaient pas dit quoi que ce soit. C'était, ça y allait par plaisir. Et non pas par raison intellectuelle pour camoufler le plaisir d'être près de quelqu'un. Ça y allait simplement par raison naturelle. Et nécessairement, les choses se font rapidement. Les réincarnations, c'est important parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui réincarnent des mécaniques similaires à leur père. Il y a beaucoup d'enfants qui réincarnent les amis, les anciens amis de leur père. Mais à travers ça aussi, les enfants ont de la difficulté à se retrouver par leur père ou leur mère. Pourquoi, quand je parle de leur père, c'est dans l'ensemble. Les enfants ont de la difficulté à se retrouver. Pourquoi? Parce que souvent, le père ou la mère va agir comment? Si les parents agissent trop en parents, l'ancien ami inconsciemment ne reconnaît pas son ami, qui fait rien que jouer au père ou à la mère. Et si les parents agissent trop en ami, mais la partie qui se réincarne, qui elle, constitue l'enfant, mais qui ne provient pas du passé, aimerait peut-être avoir un père et une mère qui auraient de l'allure. Donc, tu prends entre les deux. Les parents doivent être l'ami paternel et maternel de l'enfant. L'enfant doit être l'enfant ami des parents, dépendamment de ce qui s'exprime dans le moment. ça crée des problématiques. Et il y a pire encore, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes qui vont naître dans des familles qui sont tes amis de longue date. Et là, toi, tu voudrais te rapprocher d'eux, mais eux voient un adulte approcher, puis avant que ça se comprenne ce qui se passe chez eux, ils auront des fuites. Puis s'ils sont intelligents en plus, ils deviennent sauvages. Puis nous, on est intelligents, on est déjà sauvages. Ça crée plein de petites problématiques au niveau réincarnationnel qui vont compliquer les choses. Il y a énormément de personnes ici qui vous avez vécu là, 1980 quelques années, à l'époque du Nazaréen. Et sauf que les individus côtoyaient des personnages. On parle de 12 apôtres principaux, 63 apôtres secondaires. Dans les 63 apôtres secondaires, il y avait une quinzaine de femmes. Et c'était déjà exceptionnel pour l'époque. Et il y avait quelques centaines de disciples tertiaires qui étaient prêts. Et le Nazaréen lui a rencontré souvent des personnages qu'on se rappelle pas. Quand le Nazaréen se promène, à un moment donné, puis il y a un centurion qui vient le voir, un Romain, puis qui lui dit « J'ai un de mes serviteurs qui est capote. » Mais ceux qui ont vécu dans la famille du centurion, ou le centurion lui-même, il l'a pas connu le Nazaréen, tu penses? Il l'a connu en maudit. Tous ceux que lui a guéri, ils l'ont pas connu de près. Ils ont même baigné carrément dans son énergie pour être guéri. Alors, il y en a qui réincarnent des personnes comme ça. Et eux vont essayer de trouver un nom quelconque pour comprendre l'idée que. Bon, moi, je suis un sceptique. Peut-être c'est Thomas. Il y a un maudit paquet qui était à côté de ceux qui ont fait guérir et qui était sceptique. Mais c'était pas Thomas. Bon, t'es un Indien, Thomas, hein, tu vois? En tout cas. Alors, les personnes doivent faire attention. C'est pour ça que c'est important que ce n'est pas le nom. Si on doit chercher à mettre un nom sûr, c'est pas ça. Si on est sûr d'être quelque chose, mais pas parce qu'on a trouvé un nom. Parce qu'il y en a plusieurs qui vont dire « Ah, ben, je suis sûr que je suis telle personne. » Ça ne se fait pas comme ça. Là, vous pouvez être sûr que vous êtes fait avoir. Surtout qu'on n'en a pas besoin. On s'en balance. On doit s'en balancer, en tout cas. Parce que toujours la même idée, c'est que qui va passer en premier, est-ce que je vais être parmi les, etc., etc., etc. La chose certaine, c'est que tout le monde va être là où il a à être. On va tout être dans l'ordre où on est prescrit. Et c'est l'ordre le plus facile. Ça sert à quoi de se casser la tête pour être autrement? Puis ceux qui se conscientisent, qui ont beaucoup d'ego, et la majorité de ceux qui se conscientisent rapidement ont beaucoup d'ego, ben nécessairement, à un moment donné, ça crée des grosses crises, des grosses problématiques à l'intérieur, où on veut avoir un poste. Où on veut ne pas être rien. Où on veut ne pas que les gens pensent qu'on est rien. Où on veut ne pas que ci, que ça, etc. Et ça va encore faire en sorte qu'on va devenir sauvage. On va fuir du monde. Parce qu'à un moment donné, pourquoi pensez-vous que la majorité des conscientisés s'entendent bien entre eux? Il y a des chicanes, évidemment. Mais pourquoi ils préfèrent être au contact de personnes comme elles? Ben, c'est simple. C'est que si vous rencontrez quelqu'un qui n'est pas capable de voir votre intelligence, vous allez avoir l'impression que lui, il ne sait pas comment haut vous êtes. Donc, il vous voit plus bas que vous êtes. Plus bas que votre ego a besoin d'être. Alors, je ne profite plus rien savoir de ces imbéciles-là. Alors que quand on rencontre quelqu'un qui est capable de parler mentalement avec nous autres, on sait qu'il sait qu'on est mental. Puis on sait qu'il sait qu'on est capable de contact supramental. Donc, on sait qu'il sait qu'il est capable de voir un peu plus la valeur qu'on a. Puis là, on va dire qu'il est intelligent. Tu sais, dans le genre, j'ai fabriqué ce verre-là, je le trouve-tu beau? Non? Maudit épais. Les humains sont intelligents, sont capables d'être d'accord avec moi. Il y a tellement d'adultes qui disent ça aux enfants. Ça, c'est une affaire, de toute façon, à un moment donné, il faudrait qu'il change, mais ça me fait rire régulièrement. C'est qu'on se sert toujours du phénomène de l'enfance quand on parle de quelque chose de stupide. Tu sais, c'est ton vidéo, là, il est bien, bien simple, même un épais pourrait s'en servir. Qu'est-ce qu'on dit? Ton vidéo, il est bien, bien simple, même un enfant peut s'en servir. Bon, alors, c'est souvent, souvent... Quand on va parler de plusieurs des mécaniques évolutives, l'humain va s'arrange nécessairement pour se protéger, pour rejeter au loin un paquet de mécaniques qu'il ne veut pas voir lui-même. Et c'est ce qui va faire en sorte que progressivement, on crée un snobisme, une forme d'évolution, où on s'accorde tous pour se protéger dans l'illusion. Et progressivement, eh bien, on finit par dire, ben c'est ça, ben, eux autres, ils ont des raisonnements infantiles, hein, des raisonnements d'épais, donc d'enfants. Dans la vision. Et on doit finir par développer une vision puis une expression supramentale qui est beaucoup plus applicable et qui est totalement différente. Et ce n'est pas question de l'appliquer pour être mieux avec le peuple, c'est question de l'appliquer chez soi pour être mieux avec soi. Ça va s'adonner que quand on est bien avec soi, on est bien avec les autres. quel que soit le niveau de. On ne peut pas penser que quand on est supramental, on va être bien avec l'écureuil, on va être bien avec la souris, on va être bien avec son chat, on va être bien avec les êtres évolués, puis on va éliminer tout ce qui est entre les deux. Ouais. Je suis bien avec les animaux, puis je suis bien avec les supramentaux, puis je ne suis pas bien avec les humains. Il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi? Parce que dans votre chien, probablement que vous projetez pas. Et dans les supramentaux, vous vous projetez pas non plus. Vous projetez les qualités que vous avez. Puis dans le reste des humains, vous projetez chez eux ce qui vous nuit chez vous. Alors automatiquement, ne voulant pas le voir, on préfère simplement finir cela. Parce qu'un être supramental, si on regarde le Nazaréen, il y avait probablement autant de défauts qu'il y avait de qualités. C'est sûr que la Bible a tout fait pour cacher ses défauts. Bon, les apôtres, on a mis quelques défauts. Puis il y en a quelques-uns qui ont servi de bouc émissaire. Il y en a quelques-uns qu'on a décidé qu'ils étaient faibles. Bon, si on regarde Judas, c'est celui-là qu'on a décidé qu'il était le plus faible. Alors que toute l'histoire complète est tellement... comme Judas devait être de connivence avec Jésus. Et l'idée, simplement, c'est qui va me trahir? Celui qui va mettre son pain dans le plat en même temps que moi. Mais Judas, il sait, il y a un qui a laissé son pain sur la table, hein, le cave. Fait que Jésus met son pain dans le plat, puis Judas met son pain dans le plat. Ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire, vous voulez savoir qui j'ai mandaté pour me trahir, qui a été assez fort pour accepter l'idée, ben je vois là, c'est comme ça. Fait que Judas met son pain dans le plat, puis tout le monde sait que c'est Judas. Puis il n'y a pas un qui saute sur Judas pour le tuer. Mais les apôtres ont sauté sur les Romains, par exemple. Il y en a même un qui a coupé une oreille à un Romain. Alors pourquoi ils n'ont pas sauté sur Judas? Mais ils savaient tous qu'il fallait que Judas aille vendre le Nazaréen. Puis Judas ne l'a pas vendu, c'est le même qui l'a trahi, bon on le sait. Sauf que la façon dont c'est écrit de façon à préserver. Quand Jésus fait sa sainte colère, c'est pas une hostie de colère, c'est une sainte colère. Il rentre dans un temple, puis là, il voit les humains qui sont totalement volés, totalement fourrés. Ah oui, pour aller parler à son père, il faut que tu payes un paquet de deniers pour acheter un mouton, parce qu'il faut que tu offres un mouton blanc, pour acheter une poule, pour acheter des œufs, pour acheter de l'encens, etc. C'est un commerce. Puis là, à un moment donné, il y en a ras-le-bol, ben il casse tout, il bûche dans tout le monde, il gueule, puis il gueule, puis il gueule. C'est une sainte colère, ce n'est pas la même chose. Mais moi, là, aujourd'hui, je suis dans une église, je verrais le paquet d'idoles que tout le monde adore, puis je briserais tout, là, j'irais en prison. Ce serait pas une sainte colère, ce serait un acte criminel. Alors, non, mais Jésus aussi avait la capacité de rire, on n'en parle pas. Mais non, il y avait de l'esprit, mais pas celui-là. Bon, hein? Et on va dire que Jésus a fait une sainte colère, c'est la seule fois dans sa vie où il est en colère. Voyons donc, c'est-tu la quantité de mauvais coups qu'il a fait quand il était jeune? Oui. Bon, en tout cas, ouais, il y en a quelques-uns que tu connais pas. Si tu les connaîtrais, tu seras... Bon, en tout cas, bon. Mais, t'en connais quelques-uns. Mais effectivement, mais ça, on n'en parle pas. Quand on dit qu'on sait pas ce que... dans la Genèse de Jésus, il y a un paquet d'affaires qu'on sait pas. Il y a un paquet d'affaires qu'on ne veut pas savoir. Il est allé aux Indes, il est allé à Rome, il a fait un paquet de mauvais coups. Il a failli tuer sa mère une fois, son père deux fois, mais des accidents, des conneries qu'il faisait. Bon, il y a eu un paquet de frères et sœurs, évidemment. Il y en a qui étaient adoptés, puis il y en a qui sont sortis de Marie. Bon, pas Marie puis Gabriel, tu sais, mais Marie puis Joseph, dans le sens traditionnel des choses. Et lorsque Jésus était adolescent, il n'était pas un cadeau non plus. Quand il restait au temple à l'âge de 12 ans, bon, il avait 14 ans, quand il restait au temple, pour parler aux prêtres, n'est-ce pas que c'est merveilleux? Les prêtres l'écoutaient tous. Puis la petite égo de Jésus était là en train de le montrer que lui en savait plus qu'eux autres. C'était pas pur. Il y avait un jeune là qui était tout content, tout fier de planter toute la gang de grands barbus qui était en avant de lui. Puis eux autres, ils recherchaient un être à tuer. Or, ils l'écoutaient dessus pour voir si c'était lui ou pas lui. Ils l'écoutaient en tabarnouche. Puis ses parents sont arrivés juste à temps pour le ramasser. C'était un petit épileptique. C'est un fou. On l'a ramené avec nous autres. Et puis, ben oui, il faut que je m'occupe des choses de mon père. C'est ce que la Bible lui fait dire. Imaginez, il me semble sa mère qui a enfanté illégalement. Elle aurait dû savoir que Jésus était le fils de Dieu. Pourquoi court après? Puis Joseph aussi, puis le punissent presque. Ah non, non, c'était pas un cadeau. Hein. Jésus n'était pas un cadeau. Et puis, rendu, quoi, vers l'âge d'adulte, d'ailleurs, c'est sa première fugue, c'est ça qui l'a amené à Rome. Joseph était parti travailler à Rome. Jésus a fait une fugue, il en avait ras-le-bol de la maison. Et puis, il a rejoint son père à bord de bateaux phéniciens, qui étaient des grands marchands. Et puis, il s'est ramassé en Italie. Et puis, il a fini par rejoindre son père, ça a pris un laps de temps. Son père en a fait une colère bleue, parce que, théoriquement, c'était le plus âgé de la famille. Il veut donc s'occuper de Marie, puis de sa mère, donc, puis de ses frères et sœurs. Et puis finalement, ben, il a encore sacré son camp. Il a voyagé, pas sur le pouce à l'époque, mais un peu partout. Il s'est ramassé aux Indes, au nord de l'Inde, entre autres. Et puis il s'est promené comme ça un peu partout. Et puis finalement, ben, il est revenu en Palestine, en Judée. La vie l'a ramené là, la vie des autres. Et puis là, ben, il a eu son contact s'est fait plus convenablement. Quand il a rencontré le baptiste dans le Jourdain, ça a été la bataille totale. Le baptiste voulait absolument les deux, c'était compliqué à maudit, parce que le Nazaréen ne voulait pas rencontrer le baptiste. Le Nazaréen, premièrement, était convaincu d'être ce qu'il était. Mais l'ego de Jésus était convaincu d'être ce qu'il était, puis était convaincu qu'il se trompait. Alors, rencontrer le baptiste, ça aurait voulu dire quoi? Si le baptiste aurait dit, l'aurait baptisé en disant « schling, flank, passons, puis continue », Jésus aurait su que c'était pas lui. Alors, il était sûr que c'était lui, mais il fallait qu'il se fasse baptiser, confirmer. Mais il tenait pas à y aller, parce que si l'autre ne confirmait pas, il avait la foi maudite. En même temps, ça ne tentait pas de se faire confirmer non plus. Ben, il ne tentait pas de savoir que c'était lui non plus, parce qu'il savait qu'il finirait crucifié. Alors, finalement, il est allé, puis là, l'autre n'a rien dit. Il a « schling, flank, fini là, continuons ». Fait que Jésus a dit « écoute, on était là à l'école ensemble. » Et parce qu'ils ont été à l'école un bout de temps en Égypte. Fait que le baptiste n'a rien voulu savoir. Puis à un moment donné, le baptiste l'a carrément gueulé. Il a carrément sauté sur Jésus. À coup de poing. Tu sais, sa peau de chameau, là, il a perdu des poils. Je parle du baptiste. Il m'aurait mangé du sauterelle à l'époque, une chance. Parce que s'il avait mangé d'autre chose, il l'aurait tabassé le Nazaréen. Il était fort, le baptiste. Il était bâti en tabarnouche. Il mangeait du sauterelle et du miel. Il était habillé qu'une peau de... Le poil à gratter, savez-vous d'où ça vient? C'est du poil de chameau. Fait que même année qu'il baptiste, c'est pour ça qu'il se promenait et qu'il grouillait quand il parlait. Alors, il a sauté sur Jésus, ils se sont battus dans le Jourdain, fait que ça a fait les deux baptêmes. Et puis, par la suite, ben là, le baptiste est parti à broyer, puis il a fini par me dire, écoute, c'est vrai, c'est con. Là, le Nazaréen a fui. C'était pas la première fois, d'ailleurs. Puis le baptiste a regardé deux de ses grands sbires, puis il a dit, écoutez, les mecs, quelques jours après. Le mec qui passait, puis je me suis battu avec, etc., là, bon, ben, c'est lui que vous devez suivre. Fait que ces deux plus grands acolytes ont été délégués à Jésus. Puis quand ces deux acolytes-là sont arrivés, là, Jésus a eu la confirmation que c'est lui, mais pas sur le moment. Bon, dans la Bible, évidemment, pour ne pas mettre Jésus qui se bat avec le baptiste, imaginez-vous bien Jésus qui mange une volée, là. D'un Romain, c'est pas pire. Ah ouais, parce qu'il s'est fait tabasser, on l'a fouetté, il a mis une couronne d'épines pour le crucifier. D'un Romain, c'est pas pire. Mais pas de... Et quand on regarde les destinées, à un moment donné, Jésus s'est fait arrêter. Pas vendredi prochain, l'autre. Il meurt. Il revient le dimanche d'après. Et puis, non, pas tous les années. Cette fois-là, puis le prochain. Probablement. Et puis, il arrive quoi? Il arrive qu'à un moment donné, Jésus, il s'en va... sur le bord d'une montagne, et puis là, il dit à toi de ses apôtres de rester, de réveiller, puis de travailler. Il monte sur la montagne, puis il s'en prie, puis il demande à son père de faire en sorte qu'on tasse la coupe. Bref, qu'on ne l'amène pas à la crucifixion. Si le Nazaréen demande ça à son père, c'est pourquoi? C'est parce que les volontés du père ne sont pas des volontés qui sont cristallisées dans un destin. Parce que sinon, l'autre, il n'irait pas demander ça. Et quand il redescend en bas, il voit que les trois mecs dorment. Alors, il réveille, il remonte en haut, puis il recommence. Puis il recommence une deuxième fois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il avait absolument besoin des trois mecs en bas. Besoin de leur énergie. Et puis finalement, il redescend, trois mecs dorment encore. Il réveille encore, il remonte encore en haut, il recommence. Quand il redescend, il dorment encore. Fait que là, il ne peut rien en faire, le temps est passé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même le Nazaréen aurait eu besoin à l'époque d'un canal d'énergie créé par des amis pour parvenir à entrer en contact avec une puissance supérieure qui aurait été capable de permettre au Nazaréen de contourner une voie prescrite par son père à lui, et de lui éviter la crucifixion. Ça veut dire que Jésus est en contact avec le Christ est en contact avec son Père, pas le Père dans le ciel, le Père dans les cieux. Et à un moment donné, les deux ensemble ont essayé de contourner le Père dans les cieux pour aller chercher quelque chose d'autre, de façon à ce que, écoute, j'ai rien contre que ça évolue, mais pas comme ça. Mais il y avait besoin d'amis. Marie-Madeleine était occupée avec un Romain. Alors, si elle arrêtait là, ça aurait été extrêmement utile. Elle faisait du ménage, elle avait changé de métier. Et ses amis dormaient. Alors, quand on parle de, bon, les mécaniques réincarnationnelles, c'est évident qu'il y a un paquet de personnes qui ont tourné autour de Jésus qui se sont réincarnées présentement, hommes et femmes. Et il y a un paquet de personnages à travers le temps qui vont aussi se tamponner les uns dans les autres pour créer des personnages aujourd'hui qui sont la lignée historique du passage d'une coloration, d'une intelligence particulière à travers le temps humain. Puis aujourd'hui, ça en arrive là. Et pour que ces personnes-là puissent parvenir à être convenables, c'est évident qu'ils doivent être capables de faire tomber l'armure des chevaliers, faire tomber l'armure de la Coupe du Graal, faire tomber les habits de l'époque du Nazaréen, tout ce qui recouvre et qui va faire en sorte que ça donne de l'importance historique au personnage doit être anégoïsé chez la personne, l'homme, la femme ou l'enfant qui réincarne ça, de façon à ce qu'il ne recommence pas à se créer un nouveau schéma pour projeter dans l'avenir une forme de vie qui lui serait propre et qui est une vie où il est reconnu encore à partir d'apparat qu'il lui a eu dans le passé. Par exemple, tu réincarnes, disons que toi tu réincarnerais Judas. Si tu réincarnes Judas, ça veut dire que tu dois être capable d'éliminer tout ce qui entoure Judas. Parce que ça, c'est ce qui donne l'importance à Judas. Si Judas n'aurait rien fait de connu, il n'y aurait pas d'importance. Si tu réincarnes à un moment donné d'autres personnages à l'époque des chevaliers de la table ronde, ces personnages qui, bon, si tu élimines l'armure de la table ronde, l'épée de la table ronde elle-même et tout ça au complet, tu élimines toute l'importance attachée à ce chevalier-là, là maintenant tu es pur. Personnages qu'il y a eu à travers le temps, bon, quand on les découvre, si on est capable d'éliminer progressivement tout ça au complet, là on ramasse que l'énergie, on digère la réincarnation, et on n'aura pas la problématique. Alors, par exemple, quelqu'un dirait, moi je suis Marie-Madeleine, pourquoi tu dis ça? Ah, parce que je suis sûr que, mais regardez, tout ce qui va être parlé est un panache. C'est pas une saveur d'avoir été quelqu'un. Puis normalement, quelqu'un qui réincarne Marie-Madeleine en est normalement pas fier. Puis il se sent pas coupable, il en est triste. Quelqu'un qui réincarne Judas, normalement, peut aussi vivre de la tristesse s'il rencontre Jésus ou s'il rencontre d'autres personnages. C'est pas une fierté. Quelqu'un qui réincarnerait Thomas, quelqu'un qui réincarnerait Pierre ou d'autres choses, c'est la même chose. Quelqu'un qui réincarne un sorcier ou quelqu'un qui réincarnerait Lancelot ou d'autres choses dans le genre, je connais Lancelot. Quelqu'un qui réincarne Lancelot n'est pas fier d'être Lancelot. Pourquoi? Parce que tu réincarnes un superbe beau personnage, puis comme tu le réincarnes pour le vrai, tu te rends compte de toute la maudite farce qu'on a contée autour d'un personnage, que tu as laissé paraître autour du personnage, et finalement, tu finis de te rencontrer que c'est encore juste de l'illusion, que tu n'as jamais été. Alors, tu finis par dire, par exemple, ce que j'aurais voulu être, ça aurait été Lancelot. Puis à l'époque où j'étais dans son corps, j'étais totalement autre chose. Alors, j'ai joué un jeu que je n'ai jamais été. Bon, puis progressivement, les personnes ont une forme de tristesse qui n'est pas souffrante, et on finit par se dire, ben écoute, cette fois-ci, là, on va essayer d'être ce qu'on est. Et la question, qu'est-ce que c'est? Ah oui, c'est facile dans le passé de savoir qui on a été à cause de l'histoire. Regarde ce qu'il a fait, puis t'en déduis ce qu'il était. Mais là, c'est ce que vous allez être. Mais ce qu'on va être, il n'y a pas l'histoire n'est pas là. Alors, qu'est-ce qu'on va être? Ben là, on est fait un plus rien. Mais c'est l'essence même de la chose réincarnative, c'est de n'être rien d'autre que ce qu'on est. Mais je suis quoi? Ça ne sert à rien de se poser la question. Quand c'est drôle, rit. Quand c'est triste, pleure. Quand c'est le temps de courir, court. Puis quand c'est le temps de manger, mange. C'est ça. Et là, je vais être un robot, moi, rien faire sur ma chaise. Non, pourquoi? Parce qu'il y a en masse d'intelligence chez nous, il y a en masse d'énergie chez nous, il va y avoir en masse de vie chez nous, qu'il n'y aura pas de problème. Ça va être parfait. Mais au lieu de déterminer d'avance quelle sera notre histoire, moi, je veux être un grand professeur, moi, je veux être un patron ou une patronne qui va réussir, de déterminer l'histoire qu'on veut, puis tout faire pour rester dedans, pour être quelqu'un quelque part, pour nous. Et on dira pour les autres, parce que si les autres nous accréditent, on dit c'est pour nous. Tu ne peux pas simplement oublier ça, puis être l'histoire dans l'instantané, c'est d'ailleurs le contact même avec la spontanéité, à être immédiatement quelque chose là, sans vouloir mettre de nom ou de mots ou quelque chose. Parce que sans ça, si chaque personne se regarde ici, comment veux-tu qu'il puisse s'aimer? Même toi, regarde-toi dans le miroir, si tu mets ton uniforme, ça va, t'es un policier. Si tu l'autre, tu mets ton uniforme de coureur des bois, c'est pas pire. Si t'es carrément tenu devant ton miroir, il ne fait plus grand-chose, ben là, tu gonfles tes muscles pour au moins trouver quelque chose quelque part. Hey, mais tout ça, c'est quoi, encore une fois? C'est absolument rien. T'as pas besoin de miroir, t'as pas besoin d'uniforme, t'as pas besoin de rien. Quand tu en as un, tu en as un. Puis ton énergie devrait le révéler. Mais l'uniforme ne devrait jamais révéler ton énergie. Alors, quand on parle d'onde de forme, c'est la même chose. On s'en sert d'une façon pratique. Sauf que l'individu devrait révéler l'onde de forme. Il devrait l'améliorer. Alors que l'onde de forme ne doit pas améliorer l'individu. Ça ne doit pas être un support. Non, ce ne doit pas vivre au-dessus de ses moyens. On a parlé souvent quand on a parlé des ondes de forme, justement, de ne pas vivre au-dessus de ses moyens énergétiques. C'est la même chose. Alors, l'être humain réincarne des structures du passé, il va réincarner des structures de l'avenir aussi, évidemment. Et dans l'avenir, parce qu'il y a plusieurs personnes encore, souvent les jeunes ont cette problématique-là, c'est de ne pas croire ou de ne pas penser qu'il y a un avenir intéressant pour eux. Puis l'avenir qui est intéressant n'est pas l'avenir planétaire. Mais souvent, les jeunes manquent d'informations. Puis l'information, c'est une information que plus souvent, ils vont aussi refuser. Pourquoi? Parce que dans leur passé, dans d'autres vies, ils ont déjà cru à certaines formes d'informations et ils n'ont jamais eu la satisfaction. Alors, on finit par se dire, écoute, je t'ai curé de croire à des cossins, fait que là, je ne veux plus croire à rien. Et c'est un problème. Et pourquoi dans le passé, ils n'ont jamais eu satisfaction à leurs croyances ou à leurs désirs? C'est simplement parce qu'il y avait trop d'ego à l'intérieur. Donc, tu ne peux pas. C'est comme si tu dis, si une personne est totalement pure, elle aura tel genre de vie. Tout le monde veut avoir la même vie, tout le monde commence à s'habiller en pureté. Ton linge est propre, mais ça fait 2 semaines que tu ne t'es pas lavé. Mais ton linge, tu le laves sans arrêt. Alors, tu as une personne totalement sale qui semble propre. Alors que dans la réalité, je n'ai jamais dit, si une personne semble pure, elle vivra dans tel monde. J'avais dit, si une personne est pure. Et dans le passé, on s'est tout fait avoir par le même raisonnement. On a, mais du moment qu'on a su qu'est-ce qu'il fallait pour aller quelque part, on s'est immédiatement attaqué à créer des structures d'évolution nous permettant de créer, de rajouter de la glace par-dessus nous autres pour arriver à avoir la forme prescrite plutôt que de travailler à ôter ce qui était nuisible. Je suis fait qu'on ait de la forme prescrite. Et là, il va. Alors, on disait, par exemple, il faut que la personne soit forte. Mais dans le passé, une personne forte, c'est une personne qui était musculairement forte. C'est pas une personne qui était énergétiquement forte, qui était mentalement ou supramentalement forte ou astralement forte ou vitalement forte. C'est une personne qui était musculairement forte. Alors, il y a donc énormément de choses comme ça. La majorité, les jeunes ne savent pas, puis la majorité des adultes, ceux qui savent un peu plus, eux aussi sont écœurés d'être bernés sans arrêt par des illusions. Sauf que l'illusion, ce n'est pas ce qui est dit. L'illusion, c'est toujours la démarche que les gens prennent pour venir à l'objectif. Il y a tout est possible, premièrement. Il y a des futurs possibles qui attendent certaines personnes. Et il y a trop de personnes qui veulent jouer à ceux qui vont y aller. Alors, par exemple, prenons l'exemple d'une personne qui dit, si un jour il y a une intervention extraterrestre salutaire, ça va se faire où? Ben là, vous jouez. Parce que l'important, c'est pas de trouver le vaisseau. L'important, c'est d'être transportable. T'sais, ils nous trouveront bien. T'sais, s'ils viennent sur la planète Terre, imaginez qu'on va sur une planète chercher ceux qu'on a besoin. On va y chercher. C'est la même chose. Par exemple, les personnes doivent être jeunes. Ah ben là, immédiatement, ça se met à acheter du stock, ça se met de la poudre, des cossins, ça trempe dans le bain, ça essaie de se rajeunir. Non, là, ça va se donner l'apparence de jeune. Tu sais, dans les annonces, on voit ça souvent. Prenez tel shampoing pour que vos cheveux paraissent naturels. Pas pour que vos cheveux soient naturels. C'est pas du naturel, mais alors plein de stuff pour que finalement ça paraisse pas que tu te mimiques. Au moins, ils sont honnêtes. 55 $. Ils sont honnêtes. C'est grave. Mais c'est sûr qu'ils sont honnêtes. Mais en attendant, la personne, elle travaille comme une bonne pour paraître naturelle. Alors que sa fériée, elle est naturelle. Bon, mais dans l'évolution, c'est la même maudite chose. La personne de base, elle est correcte. Tout ce qu'elle a à faire maintenant, c'est de travailler pour rester ce qu'elle est. Mais parce qu'en étant dans une société comme la nôtre aujourd'hui, une société qui n'est pas intelligente, une société qui n'est pas suffisamment éclairée, eh bien, on travaille uniquement sur la coloration. Et c'est pourquoi, encore une fois, la personne va se dire, « Bon, est-ce que mon maillot de bain est à la mode? Est-ce que mes cheveux sont bien coiffés? » Est-ce que tout ça en fonction toujours de l'illusion, du mensonge que la société veut nous amener? Quand les jeunes vont à l'école, si à un moment donné, on sort des chandails de telle couleur ou avec telle marque dessus, ben c'est pas long que la majorité en veulent tout. Compétition idiote. Qu'est-ce qu'on a à foutre de mettre tel ou tel chandail? Le plus gros gag là-dedans, c'est quand les jeunes se mettaient à écouter de la musique. Boy George, par exemple, ça c'était à la mode, ça c'est bon. Puis quand 2-3 semaines après, il y a Michael Jackson qui vient, puis quelqu'un qui écoute du Buck Joyce, ben il dit, alors, t'es bien en retard, t'es dépassé, là, c'est plus bon ça. Là, c'est plus bon ça, là. T'sais, une musique, c'est bon quand tout le monde aime ça, c'est à la mode. Quand la mode aime plus ça, t'aimes plus ça non plus, écoute-moi, t'es pas écart. C'est un maudit niaiseux, t'es écart. Mais les jeunes, souvent, c'est ce qui va arriver. Alors, c'est la même affaire avec les souliers de course. Moi, j'en veux pas de souliers de course. D'un coup, tout le monde en a parce qu'il y a une petite ligne fluorescente dessus. Alors là, tu te dis, il faut en acheter. Il faut en acheter souvent parce que ça change la mode. On brasse-tu l'humain. Au lieu de vivre simplement, tu sais, ça redonne tes pieds. Les souliers n'ont aucune importance. Mets tes pieds dans les souliers qui sont confortables, puis vas-y. Alors, puis vit simplement. Les individus sont toujours, toujours, toujours occupés à essayer d'être reconnus par autrui. Puis comme la structure astrale change sans arrêt le comportement des collectivités, passe-t-on temps à te demander si c'est à la mode ou pas. Moi, j'ai du linge qui date de très, très longtemps. J'use pas beaucoup mon linge. Et puis, souvent, on me disait, écoute, c'est pas à la mode, ça. 5-10 ans après, on me disait que j'étais à la mode. J'avais le même linge. Tu sais, la mode était revenue à ce que j'étais. Alors, c'est ridicule. Imaginez rien pour les femmes. La mode, c'est les jupes courtes. Ils ont toutes des jupes courtes. Tu sais, mini-jupe, micro-jupe, tout-nu-jupe, bon. Et puis, à un moment donné, ben là, pouf! La mode, c'est les robes, les jupes longues, les robes longues jusqu'aux chevilles. Fait que tout le linge en poubelle. L'année d'après, c'est mi-cuisse. Hey, là, ça se met à coude. Hey, ça coupe, ça coupe, ça coupe. L'année d'après, c'est en haut du genou. Hey, ça coupe en tabarnouche. Ben, ça, dans un an, ça va encore aux chevilles. Toutes les robes en poubelle. Tu peux pas les rallonger, tu peux les rétrécir. C'est les rainures d'un bord. L'année d'après, c'est les rainures de bord. Vous savez, le rose tapette avec le coton froissé, c'est tout froissé, t'as l'air cave. Ben, il y a eu un été qui était la mode, le rose ou le coton froissé. Fait que le monde avait tous des pantalons avec du coton froissé. C'était la mode. Parce qu'il n'y a pas froissé, c'est tout comme repassé, là. C'était snob, c'était vieillot. L'année d'après, avec ton coton froissé, t'avais l'air sale pas mal. Parce que là, c'était plus ça, la robe de la mode. Combien de niaiseries comme ça? Aujourd'hui, ils prennent des pantalons, ils les mettent dans des laveuses avec des roches pour les user énormément, pour ça être les vendre 15 piastres plus cher. Parce qu'ils vont durer moins longtemps, ils sont usés. Je vais te faire acheter, là. C'est la collectivité, à un moment donné, chez la jeunesse, n'a rien porté qui semble neuf. Pourquoi? Ils refusent le fait d'être riche? Ils refusent le fait d'avoir des choses neuves? Et imaginez, ça force la société à créer du neuf, à l'user, puis à le casser avant. C'est pas une société de consommation. On l'use même avant de le vendre. Mais ils vont vendre des disques laser scratchés. Ils ont fait des autos d'une bossée d'avance pour les femmes. Tu sais, ça sauvait du temps. Mais là, à un moment donné, ils vont vendre quoi? Pour des gars. Ouais, des chars de police à taper en avant, tu sais. Avec des trous de bain. Mais ce qu'on doit comprendre, c'est qu'on est tellement, tellement, tellement, tellement relié au syndrome de l'électron, on doit finir par arrêter tout ça au complet. Tu sais, je bois mon lait comme ça me plaît. Ben, ils ont tous commencé à le boire de façon disparate. Comment? Ben, comme ça me plaît. Pas comme ça le plaît, mais pour que ça semble être comme ça le plaît. Ben, ils buvaient le lait comme ça le plaisait. Ben, oui, on dort. C'est la bière qui faisait que les jeunes se collectivaient. Ben, là, on a vendu des chopines de lait dans des caisses de bière. On ouvrait ça pour on sortait du lait. Eh oui, il y avait là. Non, les jeunes ont commencé à boire du lait. C'était correct. On peut pas se parler sans lait. Puis, tout le monde dit sans quoi? Puis sans bière. Sans cercueil. On peut pas. Oui, on peut. Sauf qu'on doit arriver à arrêter simplement. Chaque petite chose que vous faites chez vous, là, quand il y a quelqu'un d'autre, là, le faites-vous différemment. Ben, vous êtes totalement fait. On doit changer. Quand je dis fait, vous êtes peut-être pas fini. Vous buvez toujours votre lait à même la pinte. Glou, glou, glou, glou. Ben, je suis tout seul. Quand le gars, la fille, quand la vedette, elle vient. Ah ben, c'est un verre. Ah, je sais pas, il est pas pour savoir que c'est pas le même. Vous buvez de même quand même. Qu'il le sache ou non. Oui. Dans la réclamation. Moi, j'ai hâte d'aller chez vous voir comment tu fais ça. C'est réglé. Tu m'as amené ma pinte de lait. Non, c'est réglé. Dans les réincarnations groupées massivement dans les temps, là, présentement, les gens, on sait que on se reconnaît finalement et on sait que c'est arrivé dans d'autres périodes, dans d'autres temps. Est-ce que dans ce temps-là, on le savait? Oui. On est dans un temps où on le sait moins. Plus on retourne dans l'histoire, plus on se rappelait fraîchement de s'être connu avant. Ah oui? Oui. Lancelot, c'est un personnage... Bon, si on regarde Lancelot et Arthur, les deux se connaissaient déjà. Ils se sont battus parce que les deux avaient beaucoup d'égo. Il y a eu une époque où Jésus a eu un contact avec l'énergie christique. Le Jésus en question avait un égo très peu pour l'époque. Et puis, il a rencontré, à un moment donné, Lazare. Lazare, c'était avait un égo très intéressant aussi à l'époque. Le Christ est devenu l'ami de Lazare, donc le Nazaréen, pas Jésus. Et le Nazaréen a donné à Lazare plus de pouvoir qu'elle n'a jamais donné à Jésus. Et Lazare est resté Lazare est comme qui dirait mort. Lazare a été ramené du monde de la mort, mais il faut savoir aussi que le baptiste a été ramené en même temps que Lazare, dans le corps de Lazare, quand Jésus est allé ressusciter Lazare. Alors le baptiste est revenu en même temps. Et Jésus, lui, ben, il s'est retrouvé sur une croix, puis bonsaï. Quand Jésus va rencontrer le baptiste, on ne sait pas comment ça va se passer. Le baptiste a une peur bleue de rencontrer Jésus aujourd'hui, et Jésus a une peur bleue de rencontrer le baptiste. Aucun des deux savent. Ça va être la guerre ou la paix, ou la... ils ne savent pas, ils ne savent rien. Tout ce qu'ils savent, c'est qu'ils doivent se rencontrer. Maintenant, ce qui arrive, c'est qu'à un moment donné, Arthur, qui est Jésus, il a un domaine, c'est intéressant, il arrive à sortir à avoir Excalibur des mains de Merlin. Et puis, à un moment donné, il rencontre un chevalier blanc, qui est Lancelot, et Lancelot du Lac, qui va être élevé par les Dames du Lac. Et les deux vont se battre, pourquoi? Lancelot, lui, est subitement pacifique. Lui, ce qu'il dit simplement, c'est dans le genre, écoute, moi, si un jour, dans ma vie antérieure, j'ai eu la puissance du Nazaréen, c'était pas de ma faute. Puis Jésus, ce qu'il se dit, c'est « Mon torieux, toi, tu l'as déjà assez eu, t'as déjà assez fait, moi, je suis le roi, tasse-toi de là. » Puis Lancelot, ce qu'il se dit simplement, c'est que je veux mettre mon épée, donc sa vie, parce qu'à l'époque, c'est le sang du chevalier, au service d'un roi qui serait capable de me battre. Mais de me battre veut simplement dire qu'il serait capable d'être mon roi. Ben, à l'époque, on parlait toujours de se battre. Et puis finalement, ils vont se battre parce que là, Arthur, là, il est en beau, là, le Lancelot, là, c'est le gars éliminé, c'est Lazare. Ils vont se battre, puis c'est en trichant qu'Arthur va réussir à battre Lancelot. Mm-hmm. Et malgré tout, Lancelot va quand même accepter de servir Arthur. Là, ils vont devenir deux grands amis parce qu'ils auront réglé dans un conflit leur problématique. Et puis ça va faire d'autres conflits. À cause d'une femme. C'est comme ça. Ouais. N'empêche que s'il n'y aurait pas eu de mal à l'époque, les femmes n'auraient pas créé de problème non plus. Mais c'est des visions historiques. C'est bon un petit peu d'expliquer les femmes qui évoluent, parce qu'il y a encore l'impression, parce que savez-vous pourquoi on fait des... Je m'amuse de temps en temps à faire des petites farcettes sur les femmes. C'est parce que ça permet simplement, ce qui est intéressant, c'est que c'est comme s'il y avait un noir ici, hein, de temps en temps, il y en a. Et si je fais une farce sur les noirs, puis un de mes amis qui était haïtien, un séminariste, il a même enseigné le PMC pendant longtemps, alors je disais, vous savez ceux qui viennent d'Haïti, là, les haïssables, puis ah, il a trouvé bonne. Il pensait pas que j'étais raciste. Il savait que j'étais pas raciste. Fait que si on rit des blancs, on peut bien rire des noirs. Fait qu'à rire. On passe tout le temps à faire des farces. Son enfant a maudit sur nous autres. Pas faire sur les femmes aussi. Mais pas parce qu'on est sexiste. Parce qu'on peut faire des farces drôles. Alors parce qu'ils sont bonnes. Parce qu'ils sont bonnes. Mais une femme va en faire sur les hommes, ça me dérange pas. Si la femme le fait d'une façon féministe, c'est autre chose. C'est une agression. Mais si elle fait, c'est une farce qui est drôle puis elle est bonne. On va rire en maudit. T'sais, comme il y en a plein de farces que je me fais compter de temps en temps sur la création de l'homme par Dieu. Il y en a qui sont vraiment drôles. Ah, on en connaît d'autres aussi où c'est la femme qui devient le bouc émissaire. Mais il y en a qui sont drôles en maudit. Ah, ben, d'un bord ou de l'autre, c'est les mêmes. Mais quand c'est drôle, c'est drôle. Même les farces, les mêmes sont servies. Absolument. Ben oui. Des fois, la femme remet la même farce, c'est ça. Hein, c'est puis l'inverse. Mais effectivement, c'est la même chose. Seuls les noms sont changés. Dans le but de préserver les innocents. Ainsi, Michel Lassette s'appelle Pierre Boucher. Hein, ça, c'est très bon. Je connais pas. Alors, si on revient aux réincarnations? Oui. Ben, j'ai une question. Ah. Est-ce possible... Non, c'est dans le sujet. Est-ce possible que ce soit justement les personnes les plus importantes pour toi qui ne travaillent pas avec toi? Ah, c'était pas ça. Mais... Ce sont ceux-là que tu vas appeler. Bon, la réponse, c'est non, et ça, c'est une vision illusoire. Il y a des personnes, à un moment donné, qui vont essayer de s'expliquer des choses. Ça ne veut pas dire que c'est avec que certaines personnes avec lesquelles je ne travaille pas aujourd'hui ne sont pas des personnes avec qui j'ai été prêt ou des personnes avec qui je vais être prêt. Ça ne veut rien dire. Mais ce n'est pas vrai. La majorité de ceux avec qui je travaille aujourd'hui sont des personnes que j'ai connues intimement dans le passé et des personnes avec lesquelles j'ai fait la guerre ou avec lesquelles je me suis battu dans plusieurs vies. Des personnes avec qui on a jasé, des personnes avec qui on a bâti des empires. Et ces personnes-là sont présentement tout près de moi. On le sait. On a du plaisir ensemble. Puis on s'est engueulé pour régler nos affaires. Bon. Il y a effectivement d'autres personnes qui vont être prêtes, mais il y a des personnes qui vont être prêtes parce qu'ils seront prêts à un moment donné près de moi et non pas prêts dans le sens préparé, parce que ça va venir comme ça. Puis il y a d'autres personnes aussi qui réincarnent des individus qui ont toujours voulu être prêts et qui n'ont jamais été prêts parce qu'ils n'étaient pas prêts. Mais ils étaient quand même là. Oui. Alors, il n'y a pas de critères, sauf que c'est évident que les personnes qui sont près de moi présentement sont des personnes avec lesquelles j'ai toujours été prêt. Et je n'ai pas encore rencontré tout le monde. Mais je sais les reconnaître. Ceux que j'ai connus. Puis on devra se reconnaître, ceux qui auront à se rajouter. D'autres questions à toi-même, là? Parce que moi, j'en ai d'autres. Ah oui? Oui. Ben, il y en a une, c'est pas la mienne, mais c'est la mienne. Les gens que tu as connus sont réincarnés. Comment sais-tu si tu as été leur ennemi ou leur ami? Si tu si eux ne le savent pas. Comment tu sais ça, si eux ne le savent pas? Si leur karma se règle avec toi, est-ce que nécessairement tu continues avec eux après? Ah, c'est un coup qui s'est réglé, est-ce que tu vas continuer? Oui, absolument. C'est tellement plus facile de travailler avec des individus qu'on a connus, amis ou ennemis, que de se chercher d'autres amis. Les ennemis, ça, c'est ça. Il y a une chose importante aussi que vous devez savoir, que je ne voulais pas parler, mais que je vais parler, vu que tu n'as rien à dire. Ouais. J'en parle, là. Il y a présentement des mécaniques qui sont évidentes, qui sont des mécaniques qui cherchent à éliminer ceux qui se conscientisent. Et il y a des ennemis, des Templiers qui se réincarnent aussi et qui vont être les alliés de mécaniques intraterrestres pour être dynamisés et retrouver certaines personnes pour les tuer, les anéantir physiquement. Il y a énormément de mécaniques noires qui présentement flottent partout à travers la planète. Surtout au Québec, parce qu'on sait que c'est au Québec que ça va apparaître, et qui ont comme but fondamental de tuer le corps physique des individus qui se conscientisent quand ils vont être rendus à un certain niveau. Et ce ne sont pas tous les individus qui se conscientisent, ce sont les individus qui vont réincarner des lignées de grands chefs à travers le temps. Et c'est pourquoi plusieurs de ces personnages-là aujourd'hui qui réincarnent des lignées du passé semble être banal. À un moment donné, il y aura suffisamment d'énergie de ramasser dans la synergie qu'une forme de bouclier de protection pourra lentement être relevée. Et là, il y aura énormément de structures temporelles qui vont commencer à s'appliquer. Alors, si on regarde, par exemple, Michel, qui n'est pas beau, qui n'est pas riche, qui n'est pas aimé par tout le monde. Si on regarde Michel, est-ce qu'on peut se demander, est-ce qu'il a déjà été quelqu'un de grandiose? Les personnes qui regardent sensiblement ou qui ont plus de capteurs sensibles peuvent voir des choses, mais en même temps, ces personnes-là pourraient dire, ben, en tout cas, s'il a été ça, il livre pas la marchandise aujourd'hui, certains. Bon. Pourquoi n'est-il pas rien d'autre que ce qu'il est? Un simple limier qui arpente les rues des bas-fonds de Montréal à la recherche de vendeurs de drogue, de prostituées et d'infractions pour augmenter son... Non. Pour la simple raison que la synergie n'est pas suffisamment puissante, ce qui fait que si Michel subitement commencerait à être l'aristocrate qu'il est, il y aura besoin d'un maudit paquet de garde du corps. Donc, l'énergie servira à d'autres choses. Il y a d'autres personnes ici que c'est la même chose, et ce qui va faire en sorte aussi que le cadre général est un cadre comme ça. Pourquoi tout, ici ou ailleurs, n'est pas quelque chose qui apparemment recouvrerait, c'est génial, c'est ce que vous voudrez? Certains ont des idées totalement intelligentes, ça plante. Pourquoi? C'est parce que c'est pas le temps. Il y a certaines personnes qui, s'ils sont reconnus, vont être éliminées. Et ces personnes-là, vous en conviendrez, ne doivent pas être éliminées. Dans ces mécaniques-là, il y a des mécaniques qui se cachent à travers la spiritualité, chez les musulmans. Il y a des mécaniques qui se cachent à travers la spiritualité chez les catholiques. Il y a des mécaniques qui essaient d'entrer dans des individus qui sont suffisamment paranoïaques, suffisamment psychosés, pour être manipulables à faire des meurtres. Après, on les élimine, c'est pas grave. Il y a des mécaniques qui vont essayer de pénétrer chez des individus qui ont de la conscience supramentale. Des mécaniques qui vont venir faire croire à certaines personnes qu'ils sont supramentalisés. Il y a des mécaniques qui vont descendre et qui vont faire croire à certains individus, garçons ou filles, qu'ils sont prêts d'être guides, capables de faire certaines choses. Et tout ça pour qu'à un moment donné, un jour, elles puissent détecter à travers l'essence supramentale qui est qui. Pour aller le vendre ou pour carrément l'éliminer. C'est ce qui va expliquer que dans plusieurs structures de l'évolution supramentale au Québec, il y a deux structures particulières, la mienne puis une autre. Pour se rapprocher, c'est long. Ça demande beaucoup de choses. Il y a beaucoup de petites barrières, des portes, des hiérarchies. C'est sûr que toute cette mécanique-là peut, à un moment donné, servir malencontreusement à créer un snobisme. Mais les individus qui sont hiérarchisés le savent. Et si de temps en temps, ils tombent dans le piège, ils sortent régulièrement du piège. Mais la hiérarchie n'a pas été créée pour créer un snobisme, elle a été créée pour filtrer. Et quand on parle de filtrer, ben on dit le temps, voyons, je suis prêt, moi. C'est que la majorité des personnes ne connaissent pas l'envergure de ce qui se trame. Pourquoi? Parce qu'eux regardent la forme, et dans la forme, ça n'a pas l'air si grandiose. Mais j'ai juste à vous répéter que si vous accotez des psychologues à un moment donné pour leur parler de l'humain, vous risquez d'en envoyer un cri si paquet à dépression. Ce que vous-même, déjà là, savez, c'est phénoménal. Et toute la structure au complet, si on regarde la forme, ne semble pas grand-chose. Les individus qui s'unissent, poussés dans la même direction avec l'énergie que vous avez là, ça peut faire énormément. Sauf que présentement, ce n'est pas encore le temps. On peut presque dire ce n'était pas le temps, parce que c'est réellement presque le temps. Encore quelques semaines. Et ça va être le temps qu'il se passe des trucs, où les individus pourront travailler d'une façon plus allègre, plus heureuse. Sauf qu'il y a des mécaniques extrêmement dangereuses, et probablement que dans les jours, les semaines, sinon les mois à venir, l'accomplissement de la terrestrification d'un, prends des mots qui viennent pour l'instant, d'un vaisseau d'énergie capable d'amener des humains d'un point X à un point Z va s'accomplir. Je ne parle pas d'une soucoupe volante, mais je parle d'une matrice événementielle capable de faire en sorte que ce que les humains vont commencer à vouloir appliquer dans l'intelligence va commencer à se réaliser, à se matérialiser beaucoup plus facilement, de plus en plus facilement, de plus en plus simplement et de plus en plus rentable du point de vue énergétique, temporel et spatial, donc financier. Sauf qu'il reste encore certaines choses. Il y a des individus qui travaillent 24 heures sur 24 uniquement à instaurer ça. Et c'est le temps. Il restera à voir si les mécaniques d'intervention qui sont là pour empêcher vont gagner ou si elles vont perdre. Qu'est-ce que, selon toi? Ils vont s'effacer. Mais j'ai... Parce que je veux pas dire le mot perdre. Pourquoi? Si tu es parti chez toi, je vais perdre? Non, parce que mon ego récupère comme si je gagne. Ah, ok. Fait que... Ça s'est fait. Au moins, la subtilité là. Je viens de dire, ce qui m'arrive chez nous, souvent, ça m'arrive très subtilement, c'est que j'ai... Ta femme fait partie des mécaniques anti. Non. Non. Ah, ben, ce serait bien... Là, tu verrais la puissance d'affaires, hein? Tout est possible. Ah, absolument. Mais j'ai l'impression d'être sur l'écoute électronique, chez nous. Et puis, je sais pas s'il y en a d'autres qui vivent ça, mais... Bon, ça fait longtemps qu'on le sait qu'on est sur l'écoute électronique. Il y a même des capteurs qui captent les vibrations des fenêtres quand on parle dans nos maisons, puis tout ce qu'ils se disent là. Ça, c'est des choses qui existent, mais est-ce que c'est fait? C'est ça, pas savoir. Ah. Mais c'est ça. Mais si je sens ça, sans conviction, mais je le sens, il se passe quelque chose. Combien parmi vous avez déjà eu comme ça l'impression, ça n'a pas dit que ça va arriver, C'est un décodage d'événements. Vous avez eu l'impression qu'à un moment donné, vous auriez peut-être à vous battre. Peut-être ouais. Apprendre à se servir d'une arme ou encore apprendre des arts martiaux. Même si on ne le fait pas, là. Quelque chose, à un moment donné, qui dit que peut-être qu'à un moment donné, il y aurait comme on aurait à se battre, c'est pas une guerre. Mais il y a pas mal de personnes. Pas tout le monde. Il y en a qui sont plus pacifiques que nous autres. Mais il y a plusieurs personnes qui ont déjà eu cette saveur-là. Et c'est pas ça qui va arriver. C'est pas comme ça que ça va se faire. Sauf que c'est une interprétation dans l'actuel d'une chose qui est au niveau temporel, qui va arriver plus tard. Mais effectivement, il y a des individus qui doivent de plus en plus être vivants, de plus en plus être alertes. Puis comment? Ben, c'est simple. C'est que ces individus-là, qui sont des personnes qui sont recherchées présentement, dont leur corps est mis à prix, ce sont des individus qui doivent absolument devenir eux-mêmes au plus vite. C'est là qu'il y aura plus de problème. Parce qu'il y aura suffisamment d'énergie pour qu'il y ait plus de problème. Alors, c'est juste pour que vous compreniez pourquoi de temps en temps les choses semblent aller lentement. Et pourquoi les choses semblent pas nécessairement être à la hauteur de ce que ça devrait être. Ou pourquoi certaines personnes, de temps en temps, semblent ne pas livrer le produit. Il faut... C'est une chose. Le Nazaréen aurait réussi les choses en bas si les trois mecs n'auraient pas dormi. Même lui avait besoin de quelqu'un. C'était le Nazaréen. On fait une pause et on revient.